La bof nouvelle du jour, elle nous vient du site de RTS Info. Cette bof nouvelle, et c'est bien que les enfants qui passent l'entendent, c'est que le dentifrice peut être l'ennemi du microbiote buccal. Waouh! Mais qu'est-ce que c'est le microbiote buccal, Marie? Le monde vivant qui habite notre bouche? Exactement, c'est plus de 700 bactéries qui peuplent notre bouche et puis qui font un petit peu leur truc. Leur vie, quoi. Leur vie et puis un petit peu la nôtre aussi. Alors, dans ce faisceau de bactéries, il y en a qui sont plus ou moins bonnes pour nos dents ou pour l'intérieur de notre bouche, mais il y en a qui sont vraiment essentielles à notre équilibre. Et apparemment, le dentifrice et notre alimentation aussi également a tendance à faire varier la population, le nombre de ces bactéries et puis leur effet sur les différentes parties de notre bouche. Et est-ce qu'on sait quels éléments du dentifrice font du mal au microbiote ? Alors, pas vraiment, mais apparemment, le dentifrice a été lancé pour lutter contre une partie des désagréments liés à justement la présence de ces bactéries, mais sans forcément savoir exactement toutes les conséquences que ça pouvait avoir sur l'ensemble. Voilà. Bon, c'est un peu comme toutes les muqueuses, quand on leur fait subir des trucs, des fois, on ferait mieux pas, quoi. Exactement. Et justement, un des effets négatifs sur la bouche s'appelle la dysbiose. La dysbiose, c'est dans l'alimentation, la mauvaise hygiène bucco-dentaire ou certaines affections qui peuvent permettre aux bactéries nuisibles de prendre le dessus. C'est pour ça qu'on pourra maintenant prétexter auprès de son ou sa partenaire au moment où il ou elle nous dit « chérie, est-ce que je peux t'embrasser ?» Brasser, vous pouvez lui dire « Eh bien non, j'ai dysbiose. Voilà. » Cool. Cool. Bah, bof. Ouais, bof. Voilà, ça va pas vraiment nous changer ni la vie, ni la laine. Donc voilà, continuez de vous brosser les dents ou de mâcher un chewing-gum. Et ou de se curer les dents, finalement, peut-être c'est le plus simple. Hein. Bah justement, la transition est trouvée vers